Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. Nous sommes longuement arrêtés sur la vision que Daniel a eue dans le chapitre 7, et notamment dans la dernière partie de cette vision, c'est-à-dire la révélation du Fils de l'homme. Nous avons vu que le Fils de l'homme, c'est le Messie, mais le Messie dans sa fonction de juge des derniers jours et roi de ce royaume messianique que le Seigneur va établir au dernier jour. Il s'agit aussi manifestement ici d'un guerrier. Et cette fonction du Fils de l'homme aussi en tant que guerrier nous est rappelée aussi dans un certain nombre d'autres textes. Pourquoi a-t-il aussi cette fonction de guerrier? Parce que il s'agit bien ici d'un combat ultime, d'un combat contre les forces des ténèbres, et notamment contre ce quatrième royaume que nous avons assimilé avec l'Empire romain, lequel doit subsister jusqu'à la fin, jusqu'à la venue du Fils de l'homme en gloire. Et après avoir parlé ce matin de celui qui en réalité est le roi du cinquième royaume, c'est-à-dire le royaume messianique, ce royaume qui est aussi symbolisé d'ailleurs par la notion de Fils de l'homme, parce que nous avons vu que ces royaumes et leur symbolique renvoient constamment, il y a un jeu de va-et-vient qui va de la globalité à un individu. La bête, c'est à la fois l'ensemble du royaume, par exemple de Babylone, de Grèce, etc., mais c'est aussi le chef et le roi de ce royaume. Dans la vision du Fils de l'homme, il y a cette même idée, on en a déjà parlé. Autant les empires humains sont des empires bestiaux, féroces, sans cœur, autant le cinquième royaume, le royaume de Dieu, est un royaume qui est marqué par le caractère humain de ce royaume, humain au sens noble du terme. Ça veut dire un royaume qui est marqué par la compassion pour les petits, pour les humbles, pour ceux qui souffrent. Et ces deux entités, bien sûr, on le voit, sont absolument incompatibles. Le clash, le combat entre ces deux entités est évidemment absolument inévitable. Et nous allons maintenant, après avoir envisagé le roi du cinquième royaume, revenir sur le roi du quatrième royaume. Et nous allons relire quelques versets dans ce chapitre 7 du livre du prophète Daniel. Après cela, je regardais mes enfants dans mes visions nocturnes, et voici une quatrième bête terrible, effrayante, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait et pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et elle avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle, et voici qu'à cette corne il y avait des yeux comme des yeux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Verset 23, l'explication. Il me parla ainsi. La quatrième bête est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la pulvérisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, bon, on verra ce terme tout à l'heure, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, Puis viendra le jugement, on lui ôtera sa domination qui sera détruite et perdue pour jamais. Le royaume, la domination et la grandeur de tous ces royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Nous lirons également quelques versets dans le chapitre suivant, le chapitre 8, qui est une autre vision de Daniel que nous ne lirons pas pour gagner un petit peu de temps, mais qui complète la vision précédente et qui est beaucoup plus limitée. Elle décrit notamment un combat entre un bélier et un bouc. Et ces deux animaux sont aussi, bien sûr, l'incarnation de deux de ces quatre empires que nous avons rencontrés au chapitre précédent et dans la vision de la grande statue. Le bélier est, et c'est ce qui est dit dans la vision, l'empire perse, qui va se heurter avec un bouc qui représente l'empire d'Alexandre le Grand, lequel a une corne sur le nez, un peu comme un rhinocéros. Et c'est avec cette corne qu'il va frapper le bélier. Et au moment où il frappe ce bélier, il le détruit, il le remplace, cette corne se brise et quatre petites cornes sortent de cette corne qui a été brisée. Et ensuite, une autre petite corne, celle que nous avons vue dans les chapitres précédents, eh bien, va aussi se manifester. Verset 22 du chapitre 8, cette corne, cette grande corne qu'il avait entre les yeux, c'est le premier roi. Elle fut brisée et les quatre qui s'élevèrent à sa place sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation mais qui n'auront pas sa force. À la fin de leur règne, quand les pécheurs seront consumés, un roi impudent et artificieux s'élèvera. Sa puissance s'affermira, non pas par sa propre force. Il fera d'incroyables destructions, réussira dans ses entreprises et détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il détruira beaucoup d'hommes qui vivaient tranquilles. Il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloigné. Ces deux visions, celle du chapitre 7 et d'elle et celle du chapitre 8, ont en commun d'attirer notre attention sur une corne qui va sortir de cette bête et ensuite du bouc dont il est question. Il est souvent question de cornes dans le livre de Daniel, comme dans le livre de l'Apocalypse. Et l'explication de ces cornes nous a été donnée dans le chapitre 7 que nous avons lu tout à l'heure, 10 cornes de la quatrième bête, c'est-à-dire 10 rois qui surgiront de ce royaume. Les cornes, la corne en hébreu, c'est le symbole de la force. Et quand on veut dire tout simplement la force, on dit tout simplement la corne. Par exemple, Anne, la mère du prophète Samuel, dans le cantique de reconnaissance qu'elle prononce après que Dieu l'ait exaucée en lui donnant un fils qui sera Samuel, dit ceci, parlant du Seigneur, « Il a relevé ma corne ». Bien évidemment, c'est quelque chose qui fait un peu étrange en français. Et tous les traducteurs de nos Bibles ont, en quelque sorte, interprété cette expression. Et au lieu de dire « il a relevé ma corne », on traduit par « il a relevé ma force ». Nous retrouvons cette expression aussi dans ce qu'on appelle le Bénédictus, qui pourtant est écrit en grec. Le Bénédictus, c'est le cantique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qu'il chante sous l'inspiration du Saint-Esprit, après la naissance de son fils et notamment après sa circoncision. Et il déclare, ce sont les premiers versets de ce cantique, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de ce qu'il nous a, il a visité et racheté son peuple, et il lui a suscité une corne de salut dans la maison de David, son serviteur. Ce texte est écrit en grec, et pourtant, Luc a gardé cette expression qui vient directement de l'hébreu. Il nous a suscité une corne de salut. Bien sûr, les traducteurs ont fait la même correction que celle que j'évoquais tout à l'heure, et vous ne trouverez absolument pas cette expression dans vos Bibles. Vous y trouverez par contre l'expression « Il a suscité une force de salut dans la maison de David, son serviteur ». Il est question aussi de cornes dans le psaume 132, où il nous est dit ceci « Là, à Jérusalem, Dieu suscitera une corne à David ». Ça veut dire une force, mais aussi, certains traducteurs ont traduit par « un successeur à David », parce que la corne, c'est non seulement la force, mais c'est aussi un roi. Et ce roi, il est interprété, cette corne qui va surgir au temps de la fin dans la maison de David, eh bien, c'est assimilé avec le Messie qui sera éternellement le successeur de David, puisqu'il s'assiera sur son trône pour régner à perpétuité. Par conséquent, ici, une corne, un roi puissant, un roi qui va prendre la direction de ce royaume. Un roi, une corne qui commence d'une manière tout à fait discrète, une petite corne qui va grandir de plus en plus, qui va devenir de plus en plus arrogante, de plus en plus orgueilleuse, de plus en plus puissante, et qui va même, dans sa prétention insensée, tenter de s'élever jusqu'au sanctuaire céleste et essayer de renverser Dieu de son trône, si ça a été possible. Et à défaut de le pouvoir, bien sûr, elle va s'en prendre au sanctuaire terrestre. Et le prophète Daniel annonce la destruction du deuxième temple, ce deuxième temple qui sera reconstruit par Zorobabel quelques années plus tard, quand Cyrus va autoriser les Juifs à retourner à Jérusalem. Et dès à présent, Daniel annonce la destruction de ce deuxième temple qui nous a été montré hier sur le montage que vous avez vu. Ce temple, il va être foulé aux pieds par cette bête à partir du moment où la bête aura fait tomber justement ce temple, il va être foulé aux pieds par elle et il va être placé sous la domination de cette bête. Le peuple saint va être brisé, c'est-à-dire le peuple d'Israël. C'est-à-dire que, alors même que le premier exil n'est pas terminé, alors même que l'espérance du retour à Sion, telle que l'ont annoncé d'autres prophètes, tel Jérémie, est encore une espérance qui attend de se concrétiser, Daniel annonce déjà que ce premier exil, le retour qui en suivra, la reconstruction du temple qui en sera la conséquence, connaîtra le même sort que le premier temple. Un autre roi impudent et artificieux, nous est-il dit, viendra, et il détruira la ville et le sanctuaire et emmènera le peuple d'Israël dans un nouvel exil. Alors, je pense que les auditeurs et les lecteurs de Daniel ont dû être profondément surpris, et plus que surpris, atterrés. Est-ce là la destinée que Dieu attribue à son peuple? Cette vision extraordinaire du Fils de l'homme qui vient pour anéantir cette bête, comment, par conséquent, faut-il la comprendre? Et la tradition juive a vu dans cette petite corne qui grandit de plus en plus, le roi, le dernier roi du dernier royaume. Ce roi qui mettra le comble au péché, qui emmènera cet ultime assaut d'une humanité révoltée contre Dieu à l'assaut du sanctuaire. Il a vu l'acte final de l'histoire humaine, l'acte qui provoquera d'une manière absolument irréversible l'intervention du Seigneur et la manifestation du Fils de l'homme dans sa gloire. Et nous voyons ici ce combat entre le royaume de Dieu et les royaumes de ce monde se transformer en un combat singulier entre le Fils de l'homme et son contraire. Ce personnage, dont il est abondamment question dans le Nouveau Testament, les pères de l'Église, reprenant certainement une tradition beaucoup plus ancienne, l'ont appelé l'Antichrist. Antichrist, ça veut dire celui qui est contre Christ. Et la vision de l'Antichrist est quelque chose que nous trouvons déjà aux origines de la Bible. Et notamment dans ce que l'on appelle le protévangile. Ce protévangile, c'est la parole que Dieu adresse au serpent après la chute. Lorsque Dieu va exercer son jugement sur tous ceux qui se sont déjà dans le jardin d'Éden révoltés contre lui, Adam d'abord, qui se décharge de sa culpabilité sur sa femme, Dieu prononce alors une malédiction sur la femme, et la femme se décharge de sa culpabilité sur le serpent. Alors Dieu va prononcer aussi une condamnation, un jugement sur le serpent. Il déclare à ce serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Et là, en hébreu, il y a quelque chose d'assez étonnant sur lequel nous aurons l'occasion de revenir aussi. C'est que le mot « descendance » en hébreu, « zera », est féminin comme en français. Et par conséquent, il faudrait donc, il serait logique que nous lisions ceci, « Je mettrai inimitié entre ta descendance et sa descendance. Elle, cette descendance, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Or, l'hébreu a là un pronom masculin singulier. « Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Traduire de cette manière-là est évidemment très étrange. Et aucun traducteur n'a pris le risque de traduire de cette manière. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors on a considéré que c'était une faute de grammaire. Et tous les traducteurs, sans exception, ont corrigé la faute de grammaire qu'a faite le Saint-Esprit. Les sages d'Israël ont dit, le Seigneur, le Saint-Esprit ne fait pas de faute de grammaire. Et quand il y a ce qui ressemble à une faute de grammaire, nous aurons l'occasion de retrouver quelque chose demain du même style, c'est parce qu'il y a un mystère. Et un mystère qui touche aux choses dernières. Alors on s'est posé la question, pourquoi y a-t-il ce « il » au lieu de ce « elle » ? Et la réponse la trouvons aussi chez Paul dans l'Épître aux Galates. Parce que la postérité de la femme, ce n'est pas l'ensemble de sa descendance, ça veut dire ce n'est pas toute l'humanité qui par ses propres efforts va réussir à annuler la malédiction de la chute et triompher du serpent, c'est-à-dire de Satan, ce que l'on aurait pu croire s'il y avait eu le « elle ». Et pour éviter cette confusion que beaucoup ont faite, peut-être justement parce qu'ils ont lu des traductions qui n'étaient peut-être pas exactement justes, le Saint-Esprit précise, il t'écrasera la tête. C'est-à-dire un individu au milieu de cette descendance de la femme. Ce n'est pas toute la descendance de la femme, ça veut dire toute l'humanité qui va écraser la tête du serpent, mais c'est un individu dans cette humanité. Et les sages ont dit, cet individu-là, c'est le Messie. Et en face, il nous est dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Si la descendance de la femme est incarnée par un individu, c'est donc que la descendance du serpent est elle aussi incarnée par un individu. Et il est très intéressant de noter qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des chiffres différents de ceux des lettres, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, en hébreu, le chiffre 1 est représenté par la première lettre de l'alphabet, le chiffre 2 par la deuxième, le chiffre 3 par la troisième, et ainsi de suite. Si bien que quand vous avez un mot, vous pouvez additionner les valeurs numériques de chacune des lettres qui forment ce mot, et ça vous permet de découvrir aussi un certain nombre de leçons que la parole de Dieu veut nous donner. Et l'on a constaté que la valeur numérique du mot Mashiach, le Messie, est 352. Il y a un autre mot qui a une valeur numérique semblable, 352. C'est le mot Nahash, le serpent. Ça veut dire, il y a, depuis les origines, cet antagonisme entre le Messie et le serpent. Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Et par conséquent, il y a ce combat singulier entre deux individus qui représentent deux camps différents, le camp de Dieu et le camp de l'adversaire, le camp du serpent, le camp de Satan. Cette image, vous la retrouvez dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12. Où le voyant aperçoit une femme enceinte sur le point d'accoucher, qui, à côté de laquelle se tient un grand serpent rouge. On dit un dragon, mais trakon en grec, c'est aussi un serpent. Plus tard, le texte de l'Apocalypse nous dit que ce dragon n'est autre que le vieux serpent de l'Éden. Et ce serpent, il se tient à la droite de la femme pour dévorer son fils après qu'il ait été enfanté par elle. Nous retrouvons bien évidemment là cette parole de l'Éden. Je mettrai inimitié entre le Messie, le fils de la femme, et le serpent. Et nous ne pouvons pas aboutir à ces fins. Le dragon, le serpent, va faire intervenir une de ces créatures. Une créature qui sera la contrefaçon diabolique de ce qu'est le Messie. L'anti-Messie, ou si vous voulez employer l'expression des pères de l'Église, l'Antichrist. L'Antichrist est le champion du camp de Satan, tout comme le Messie est le champion du peuple des saints du Très-Haut qui nous est décrit dans ce texte de Daniel que nous avons lu. Et toute l'histoire de l'humanité, c'est le récit de ce combat entre le Messie et le serpent qui arrive à son paroxysme au moment de ce dernier engagement, au moment de cette dernière bataille qui nous est décrite dans ces chapitres 7 et 8 du livre du prophète Daniel, qui, comme nous l'avons lu, ce sont des textes qui se rapportent à des temps éloignés, c'est-à-dire au temps de la fin. Je voudrais que nous évoquions quelques textes où il est question de ce personnage. Nous avons vu qu'il émerge du quatrième royaume, c'est-à-dire de cet empire romain reconstitué au temps de la fin et reconstitué par cette alliance contre nature. Ça veut dire cette alliance entre le fer et l'argile, le fer représentant l'Occident et l'argile représentant le monde arabo-musulman qui est situé sur l'autre rive de la Méditerranée. Et ce personnage qui sera précisément la tête de cet ensemble reconstitué, il est, nous disent les sages, une résurgence du Premier Empire. Il y a un parallèle entre le Premier Empire de Daniel et le Quatrième Empire. Le Premier Empire, c'était Babylone. Et le Quatrième Empire, Rome, sera une résurgence de Babylone, sera une nouvelle Babylone. C'était d'ailleurs un des noms codés qu'on lui disait aussi, qu'on lui donnait aussi. Pierre, quand il écrit ses épîtres, déclare qu'il écrit depuis Babylone. Alors, la plupart des commentateurs pensent qu'il faut comprendre qu'en réalité, Pierre était à Rome. Mais pour lui, comme pour les Juifs de son temps, Rome, la capitale de l'Empire, était bel et bien cette nouvelle Babylone qui précisément allait déclencher cette grande persécution de l'année 63 après Jésus-Christ, au cours de laquelle ce même Pierre allait périr, comme on le sait. Et cette grande Babylone, elle a été créée et elle a été dressée contre Dieu. Elle a contribué à dresser le monde ancien contre Dieu quand elle a été unifiée sous le sceptre de son roi. Ce roi, il en est question dans le chapitre 10 de la Genèse. Nous allons lire ces versets, si vous le voulez bien. Verset 8. Chapitre 10 de la Genèse, verset 8. « Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui, le premier, fut un vaillant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad, Calné au pays de Shinéar. » Par conséquent, ici, Nimrod est présenté comme étant le fondateur du premier empire humain, du premier des quatre empires de Daniel, Babylone. Nimrod, vaillant chasseur, devant l'Éternel, cette expression peut aussi se traduire vaillant chasseur contre l'Éternel. Et Nimrod vient d'une racine hébraïque, Limrod, qui signifie se révolter. Nimrod, c'est le révolté par excellence. Celui qui est contre Dieu et celui qui non seulement se révolte personnellement contre Dieu, mais qui ayant pris la tête de cet empire qu'il a créé, va entraîner toute l'humanité ancienne dans une révolte généralisée contre Dieu. Une révolte qui a pour but de chasser Dieu de cette création qui est la sienne et de faire en sorte, comme nous l'avons vu, que l'humanité ancienne soit totalement autonome par rapport à Dieu et n'ait aucun compte à rendre à Dieu, comme le disaient les révolutionnaires des siècles derniers, ni Dieu ni maître. Et les sages d'Israël nous disent ceci. Au temps de la fin, cette Babylone ressurgira. Et de la même manière que son roi, le roi d'alors, Nimrod, la conduite dans une révolte contre Dieu, le roi qui surgira d'elle, ce roi qui paraîtra d'une manière tout à fait insignifiante comme cette petite corne de Daniel dont il est question dans les textes que nous avons lus, réussira à unifier le monde entier dans une révolte généralisée contre Dieu. Et au travers de ce personnage à laquelle la tradition juive donne un nom. On ne l'appelle pas l'Antichrist, bien sûr, puisque le judaïsme actuel ne croit pas encore que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, mais on lui donne un nom romain. On l'appelle Armilius. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Peu importe. Armilius, c'est un nouveau Nimrod. Armilius, c'est tout simplement l'Antichrist, le prototype de l'Antichrist chrétien. Cette notion d'un Antichrist que nous retrouvons dans le christianisme, nous la devons elle aussi au judaïsme. On ne l'appelle pas, je vous le disais, l'Antichrist, on l'appelle Armilius, mais on lui donne aussi un autre nom. Un nom qui est tiré d'un texte que l'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 11. C'est une prophétie messianique et c'est une prophétie qui nous parle, qui est complémentaire de celle de Daniel que nous avons lue. C'est une prophétie qui annonce l'avènement du royaume messianique au temps de la fin. C'est un texte qu'on a l'habitude de lire dans nos églises à la période de Noël et que vous connaissez certainement. Puis un rameau sortira du tronc d'Ishaï et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. J'en ai parlé hier, 7 qualificatifs de l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu reposera sur le Messie sans mesure. Le mot Messie signifie celui qui a été oint du Saint-Esprit. Et dans les textes apocalyptiques, que ce soit Daniel ou l'Apocalypse, ou dans Zacharie également, il est question des 7 Esprits de Dieu. Alors, bien sûr, quand nous parlons en ces termes à des théologiens, ces derniers se rebiffent. Ils disent, en parlant de cet esprit, vous divisez l'esprit, l'esprit est un. C'est le langage biblique. Il n'a pas toujours notre logique et n'a pas la logique de nos théologiens. Certes, l'esprit est un. Mais dire qu'il y a 7 esprits, eh bien, c'est dire qu'il y a une plénitude de l'esprit. Dire que l'esprit reçoit, que le Messie reçoit en sa personne les 7 esprits de Dieu, c'est dire qu'il reçoit l'esprit sans aucune mesure, sans aucune limite. Paul, quand il parle de l'esprit que nous recevons en tant que chrétiens baptisés dans le Saint-Esprit, déclare à chacun d'entre nous, la mesure de l'esprit nous est donnée selon la mesure du don de Dieu. Mais aucun d'entre nous, quelque grand que soit son ministère, même celui qui a le plus grand des ministères n'a pas la plénitude de l'Esprit. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin les uns des autres. Et même les plus grands, dira l'apôtre Paul, dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, a besoin des plus petits, parce que justement il est incomplet. Seul Jésus, le Messie, a en sa personne la plénitude du Saint-Esprit. Et par conséquent, il n'a pas besoin d'autre ministère que du sien. Par conséquent, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice. Avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Nous avons là les caractéristiques de ce cinquième royaume de Daniel que nous avons évoqué, qui est incarné par le Fils de l'homme. Un empire humain, un empire absolument contraire à ces empires bestiaux qui l'ont précédé. Un empire dont le roi ne cherchera pas à opprimer, à écraser, comme le font ceux qui se font appeler bienfaiteurs, disait Jésus. Mais ce roi humble, ce roi victorieux, ne jugera pas sur l'apparence. Il jugera avec justice les pauvres de la terre et avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Mais il frappera la terre du sceptre de sa parole. Et voilà maintenant ici le mot important. Et du souffle de sa bouche, il fera périr le méchant. Souffle de sa bouche, ça peut aussi se traduire l'esprit de sa bouche. La ruach, c'est à la fois le souffle, l'esprit, le vent. Et la tradition juive a noté ici qu'il n'est pas question « il fera périr les méchants », mais « il fera périr le méchant » au singulier. Et la tradition juive a vu dans ce verset, la manifestation ultime de ce combat qui a commencé dans le jardin d'Éden entre le fils de la femme et le serpent. Et ce combat qui s'est déroulé pendant toute l'histoire humaine arrive ici à sa phase décisive, sa phase ultime. Ça veut dire au moment où le triomphe du Fils de la femme, du Messie, rempli de l'Esprit, va triompher définitivement de la puissance de l'adversaire et de la puissance de Satan. Et cette victoire ne sera pas une victoire difficile. Du souffle de sa bouche, il fera périr le méchant. Et les sages ont dit, qui est le méchant dont il est question ici? C'est Nimrod Armilius qui réapparaîtra au temps de la fin. Et il suffira au Messie, quand il viendra dans sa gloire, dans sa puissance, dans sa sainteté, dans la puissance de l'Esprit, des sept esprits qui seront pour lui, sur lui, il soufflera. Et comme un fétu de paille s'envole au vent, de la même manière, cette immense puissance du quatrième royaume, cette puissance impressionnante de cette corne, disparaîtra comme un fétu de paille. Et la conséquence de cette victoire, elle nous est décrite dans la suite. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et maintenant écoutez bien ça, le nourrisson s'ébattra dans l'antre du cobra. Le nourrisson, le fils de la femme. Là encore, nous revenons au jardin d'Éden. Nous revenons à la promesse que Dieu a donnée à l'homme et à la femme après la malédiction. La postérité de la femme, le fils de la femme, écrasera le serpent. Le serpent, il a été écrasé dans notre texte ici, lorsque le Messie a soufflé sur lui. Et le résultat de cette défaite définitive du Satan, de l'adversaire qui est au commencement, c'est que même des animaux aussi venimeux que le serpent et un des pires qui soit, le cobra, c'est pas la vipère, comme c'est traduit dans vos Bibles, ça c'est une erreur, mais c'est un cobra. Ce cobra qui est un des serpents les plus dangereux qui soit. Lorsque la victoire ultime aura été remportée par le Messie, même ce cobra sera devenu un animal inoffensif. Et cet antagonisme entre le fils de la femme et le serpent disparaîtra. Et cet enfant, fils de la femme, pourra jouer avec le serpent venimeux comme si c'était un petit chien. Quand cela aura-t-il lieu? Notre texte continue. En ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois la main pour acheter le reste de son peuple, qui sera resté en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Shinar, dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les bannis d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Frères et sœurs, nous vivons des temps absolument exceptionnels. Des temps où nous sommes en train de voir se réaliser sous nos yeux cette antique prophétie. Actuellement, le Seigneur rassemble les exilés de Juda. Mais il rassemble aussi, et ça on le sait moins en général dans nos milieux, les bannis d'Israël, c'est-à-dire les 10 tribus perdues. Ces 10 tribus du Nord que l'on croyait être définitivement assimilées parmi les nations, et qui, comme l'ont toujours dit les sages d'Israël, devaient reparaître au temps de la fin, à l'heure où je vous parle. On a retrouvé 5 des 10 tribus perdues. Une est pratiquement rassemblée dans le pays d'Israël, c'est la tribu de Dan, les Falachas. 2 autres sont en voie de retour, la tribu de Ménaché. Il y a déjà plusieurs milliers de membres de la tribu de Ménaché qui sont rassemblés en Israël. Et les premiers représentants de la tribu d'Éphraïm sont en train de revenir dans le pays promis. Et ça, j'en dis, lorsque cela apparaîtra au temps de la fin. Lorsque ces tribus que l'on croyait perdues, que l'on croyait assimilées, ressurgiront et commenceront à revenir dans le pays promis, alors ce sera le dernier signe avant la venue du Messie. À partir du moment où ces tribus commenceront à revenir dans le pays promis, ça voudra dire que le Messie pourra venir à tout moment, mais en même temps que son adversaire surgira aussi pour cette guerre, cette ultime guerre finale qui aura lieu au temps de la fin. Maintenant, je voudrais que nous lisions un autre texte, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Nous avons vu ici qu'il est question du méchant. Il, du souffle de sa bouche, le Messie fera périr le méchant. Le méchant, et on peut le traduire aussi d'une autre manière, on peut le dire l'impie. Ça veut dire la même chose. Et ce n'est pas sans raison que les Juifs ont appelé l'Empire romain l'Empire du méchant ou l'Empire de l'impie. Parce qu'ils considéraient que le chef de cet empire, l'empereur, était le prototype de ce méchant qui apparaîtrait au dernier jour. Et dans toute la littérature juive de l'époque de Jésus, souvent cet empire des dômes, des nations, des kittim, comme l'avons vu hier, est accompagné de cette épithète qui est l'empire du méchant. Ça veut dire l'empire de l'antichrist ou l'empire de l'impie. Et nous retrouvons à peu près la même chose dans le chapitre 2 de la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous allons relire quelques versets à partir du verset 1er qui nous dit ceci. « Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. » Plusieurs m'ont posé la question pendant les ateliers que j'ai faits. Qu'en est-il de l'enlèvement de l'Église? Et je répondis ceci, il n'est jamais question de l'enlèvement dans les textes bibliques. La Bible emploie au contraire le mot « rassemblement » et nous avons ici cette expression. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, il y aura ce rassemblement. Ce rassemblement des élus autour de Jésus, autour de sa personne. Et Paul nous laisse entendre que ces notions, l'avènement du Seigneur, le rassemblement des élus qui en sera la conséquence, la résurrection des morts bienheureux qui l'accompagnera, nous aurons l'occasion d'y revenir, est quelque chose qui faisait partie de la catéchèse que l'on donnait aux premiers chrétiens. Et dans ce même texte, Paul déclare aux Thessaloniciens, « Est-ce que vous ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses quand j'étais encore avec vous ?» Jean, dans ses épîtres, prend la même idée. Il dit à ses correspondants, « Vous avez entendu dire qu'un antichrist vient. » Ça veut dire que ça fait partie de la catéchèse qui vous a été enseignée lorsque vous avez cru. Et moi, je vous dis qu'il y a déjà plusieurs autres antichrists. Bon, c'est un autre problème. Mais cette idée d'un antichrist qui vient, c'était quelque chose que partageaient tous les premiers chrétiens. Paul dit ceci, vous savez bien, parce qu'on vous a enseigné ces choses, vous savez bien ce qui le retient pour qu'il n'apparaisse qu'en son temps. C'est pas la peine que je vous écrive à ce sujet. Parce que ces choses, vous les connaissez très bien, parce qu'on vous les a enseignées oralement. Les Thessaloniciens savaient. Nous ne savons pas. Alors, on a fait toutes sortes d'hypothèses. Qu'est-ce qui retient la venue de ce fils du péché? Eh bien, je vais vous faire un aveu. Je ne sais pas. Ça fait partie de ces mystères qu'il n'a pas plu à Dieu de nous révéler. Peut-être qu'un jour, Dieu le fera, quand ce sera nécessaire. Et pour l'heure, Je préfère éviter d'entrer dans toutes les spéculations dans lesquelles entrent de nombreux exégètes, parce que finalement on n'est sûr de rien. Mais reprenons notre lecture. Pour ce qui concerne donc notre rassemblement auprès de lui, nous vous recommandons de ne pas vous laisser ébranler promptement dans votre bon sens ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole ou par quelque lettre qui nous serait attribuée, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut qu'avant l'apparition de ce personnage, c'est moi qui ajoute ça, mais enfin c'est ce qui est sous-entendu, il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie. On peut encore traduire l'homme méchant, le méchant de notre texte d'Ésaïe 11. Le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu et de tout ce que l'on adore. Et là nous retrouvons cette petite corne qui s'élève jusqu'au trône de Dieu pour s'opposer à tout ce que l'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais tout cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant vous savez fort bien ce qui le retient, pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et voilà le texte important que vous allez comparer avec le texte d'Ésaïe 11 que nous avons lu tout à l'heure. Alors se révélera l'impie, ou encore le méchant, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Par le souffle de sa bouche, il fera périr l'impie, disait le prophète Ésaïe. C'est le même personnage. Et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement, littéralement par l'éclat de sa présence. L'avènement de cet impie se produira par les miracles de Satan, toutes sortes de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Nous avons ici, bien sûr, un commentaire que Paul nous fait de ce texte d'Ésaïe 11, et en filigrane, l'idée de cette petite corne qui s'élève et qui incarne ce méchant, cet impie. Paul était bien entendu conscient de toutes ces traditions auxquelles j'ai fait référence ce soir, et par conséquent, il mettait en garde les Thessaloniciens contre ce personnage, en précisant que ce qui serait le plus dangereux ne serait pas tant la persécution que la séduction. Tel qu'il nous le dépeint ici, l'apôtre Paul nous présente ce personnage comme un séducteur. Et un séducteur, un trompeur, parce qu'il est une créature satanique. Et Satan, comme le disait Jésus, il est menteur et le père du mensonge. Il emploie toujours cette même ruse. Il y a un esprit d'égarement, qui fait que les hommes des temps de la fin croiront au mensonge. Et cette puissance d'égarement, cette puissance de séduction préparera ce que l'apôtre Paul ici appelle l'apostasie. L'apostasie, il en est question aussi dans le livre du prophète Daniel, toujours dans le chapitre 8, où il est question de ceux qui ont été égarés par la puissance de l'adversaire. Beaucoup, parmi le peuple de Dieu lui-même, seront gagnés par cet esprit de séduction et de mensonge, et par conséquent, abandonneront ce qui nous est dit tout à l'heure, il espérera changer les temps et la loi. De telle sorte que la parole de Dieu elle-même sera mise en doute. La parole de Dieu sera traînée dans la boue, la vérité sera jetée par terre et piétinée aux pieds. Et ceux qui n'auront pas eu l'amour de la vérité accepteront cette situation. Et cette révolte, l'apostasie, ça veut aussi dire la révolte. Cette révolte qui sera une révolte spirituelle au départ, où les nations, comme le disait le psaume 2, disons « brisons leurs liens, débarrassons-nous de leurs chaînes », ça veut dire des chaînes de la Torah du Seigneur, qui aura été répandue sur toute la terre, comme nous l'avons vu, car de Sion sortira la Torah pour aller jusqu'aux extrémités du monde. Mais au temps de la fin, toutes les nations qui auront accepté la Torah du Seigneur se révolteront contre elle. La Torah du Seigneur, c'est ce que nous appelons l'Évangile. Nos nations n'ont jamais été chrétiennes au sens où nous l'entendons, mais elles ont été christianisées. Ça veut dire que les institutions de nos pays, notre civilisation, notre culture, ont été imprégnées de l'Évangile. Et c'est pourquoi, lorsque l'on a refusé d'inscrire dans le préambule de ce qu'on voulait être la Constitution de l'Europe, l'idée que les racines de l'Europe étaient des racines judéo-chrétiennes, c'était une marque de cette apostasie. Aujourd'hui, l'Europe et le monde occidental dans son ensemble veut tourner le dos à cet héritage judéo-chrétien, à ses racines. Et déjà, d'aucuns affirment que nous vivons dans un monde post-chrétien. Toutes les églises sont aussi aujourd'hui touchées par le déclin de la foi. Il y a aujourd'hui un phénoménal effondrement de la foi véritable dans le Seigneur. Et les chrétiens en Europe, par exemple, toutes tendances confondues, j'entends même pas ceux qui sont des chrétiens au sens où on l'entend dans les milieux évangéliques ou charismatiques, ça veut dire des gens qui ont pris des engagements vis-à-vis du Seigneur, mais des gens qui ont encore une pratique même éloignée de l'Évangile ou de, disons, de la religion chrétienne sont devenus une infime minorité qui, dans nos pays d'Europe, sont incapables de changer le cours des choses. Nous sommes devenus trop peu nombreux pour cela. C'est l'apostasie annoncée. Nous sommes exactement dans cette situation. Et par conséquent, à moins que le Seigneur envoie un grand réveil, on ne peut pas l'exclure absolument, mais ça devient de plus en plus hypothétique au fur et à mesure que le temps passe, parce que loin de s'améliorer, la situation va au contraire en empirant. S'il n'y a pas ce grand réveil, alors la révolte va se manifester. Elle va se manifester, comme l'avait dit l'apôtre Jean, jusque dans l'Église elle-même, parce que l'esprit de l'Antichrist, cet esprit de séduction, cet esprit d'aveuglement, cet esprit de mensonge est à l'œuvre jusque dans les églises. Je vous en donne une preuve, une seule, mais il y en aurait bien d'autres. Aujourd'hui, nombre de chrétiens sont persuadés que le peuple d'Israël est un peuple d'assassins des enfants palestiniens. Parce que il y a nuit et jour des médias contrôlé par le serpent, contrôlé par l'esprit de l'Antichrist, qui distille à longueur d'années, à longueur de journées, ce mensonge-là. Et parce que ces gens n'ont pas l'amour de la vérité pour vérifier d'une manière précise la vérité de ce qui est annoncé, ils croient à ce mensonge et ils sont en train d'être séduits, entraînés par l'Antichrist. Et ils vont participer à cette grande révolte. Et c'est non seulement quand le Seigneur apparaîtra que le souffle de sa bouche fera périr le méchant, mais il fera périr avec lui les méchants. Nous avons parlé ce matin de ce Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel. Ce Fils de l'homme qui vient dans sa gloire, dans sa puissance. Ce Fils de l'homme qui vient avec la gloire de Dieu, la Shrina. Et nous avons dit, cette manifestation de la gloire de Dieu, elle provoque l'anéantissement de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Du souffle de sa bouche, l'éclat de sa gloire, l'éclat de son avènement, dit l'apôtre Paul. Il y a deux choses qui vont anéantir le méchant. Le souffle de sa bouche, l'esprit de sa bouche, et l'éclat de sa gloire, l'éclat de sa présence, étant présent dans toute sa gloire. Les méchants ne pourront pas subsister devant lui. Et comme le disait le psaume premier, ils seront comme la paille que le vent dissipe. Jésus, plutôt Jean-Baptiste, affirmait cela aussi, citant le livre du prophète Daniel. Et ce sera mon dernier mot ce soir. Dans la scène du chapitre 7 de Daniel, où le prophète voit le temple céleste transformé en un tribunal où la bête va être jugée, Le trône de Dieu est un trône duquel sort un fleuve de feu. Et ce fleuve de feu va se répandre sur la terre. Ce fleuve, Jésus y fait allusion quand il dit « Il y a un baptême dont je dois baptiser et j'ai hâte qu'il soit accompli. » Quand Jésus parlait ainsi, il faisait allusion à son rôle de juge des derniers jours. Jésus savait que quand il reviendrait dans sa gloire, il serait obligé d'anéantir les méchants. Et manifestement, ce rôle, Jésus y répugnait. Il allait le faire parce que c'était indispensable, parce que c'était la volonté de son Père, mais c'était à contre-cœur. « Je voudrais déjà que ce soit terminé, tout ça », disait Jésus. Jean-Baptiste aussi faisait allusion à ce fleuve de feu. Il disait « Il a son van à la main, il amassera le glébré dans les greniers, mais la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Et les sages d'Israël ont commenté ce texte où il est question de ce fleuve de feu. Et ils ont fait un rapprochement avec le texte que nous connaissons tous très bien en tant que charismatiques, le texte de Joël. « Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Ils ont dit « Le fleuve de feu, c'est le fleuve de l'esprit. » Et au dernier jour, le Messie est celui qui répandra cet esprit sur toute chair. Sur les justes, le feu du Saint-Esprit sera une bénédiction qui va brûler le péché qui est en eux. Il a son van à la main, et disait aussi le prophète Malachie, il s'assiera, il purifiera les fils de Lévi, il les raffinera comme le feu du fondeur, pour qu'ils offrent au Seigneur des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux temps anciens, comme aux jours d'autrefois. Jean-Baptiste reprenait cette idée. Celui qui vient après moi, qui est plus puissant que moi, il va vous baptiser dans le Saint-Esprit, dans le feu. Et ce feu du Saint-Esprit, ce feu qui va être allumé dans les cœurs de ceux qui acceptent de passer par le baptême que Jean proposait, c'est-à-dire la repentance, et qui faisait qu'ils se mettaient à part pour le royaume de Dieu. Après cet acte de baptême dans l'eau, viendra le plus puissant que Jean, Jésus, qui lui va répandre dans ses cœurs le feu de son esprit. Un feu qui va brûler le péché, qui va être comme ce feu du fondeur dont parlait le prophète Malachie, de telle sorte qu'au dernier jour, les fidèles du Seigneur présenteront à Dieu des offrandes avec justice, des offrandes qui lui seront agréables. Mais ce feu qui coule devant le trône de Dieu, il sera aussi répandu sur les méchants. Mais à l'inverse de ce qui se passera pour les justes, autant pour les justes, l'effusion de ce feu du Saint-Esprit aura été bénédiction, y compris quand elle aura brûlé tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu en eux. Ça ne veut pas dire que l'œuvre du Saint-Esprit sera toujours agréable. Quelquefois, c'est une œuvre douloureuse, mais le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est la bénédiction finale. Le fait que celui qui sera rempli de ce feu, qui aura été purifié par ce feu, qui aura été épuré par ce feu, comme l'or est épuré par le feu, pourra se tenir devant Dieu, devant son Messie au dernier jour, sans crainte du jugement. Pour les impies, au contraire, ce feu sera un feu qui les consumera, qui les dévorera, qui les anéantira. Le feu du jugement. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste disait en quelque sorte, il faut choisir entre ces deux feux. Un feu qui purifie, un feu qui sanctifie, un feu qui nous amène à être comme des offrandes agréables au Seigneur. Ou bien au contraire, un feu qui sera le feu du jugement, un feu qui anéantira les pécheurs au dernier jour, quand le Seigneur viendra avec son van à la main pour nettoyer son air et brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Ce thème est un thème que l'on trouve déjà dans le livre du prophète Daniel. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons aussi cet Antichrist, dont la destinée finale est précisément ce fleuve de feu, l'étang de feu et de soufre, qui est la seconde mort, là où participent également les pécheurs. Cette idée de ce fleuve ou cet étang de feu, nous le trouvons déjà dans le livre du prophète Daniel. Je conclus maintenant. Il y a ce combat entre le Messie et le serpent, entre le Fils de la femme et le serpent. Et plus on approche du temps de la fin, plus ces deux mystères-là s'exaspèrent. Le mystère d'Israël, le mystère de l'Église et le mystère de l'iniquité. L'iniquité, elle aussi, est un mystère. Le Fils de la perdition aussi est un mystère. Et de la même manière que l'Esprit de Dieu agit déjà pour nous préparer justement et nous donner la force de paraître debout devant le Fils de l'homme, l'Esprit de l'Antichrist essaie de nous pervertir, de nous séduire et de nous conduire loin des voies de Dieu. Et la question importante qui nous est posée dans ces temps est celle-ci. Lequel de ces deux esprits allons-nous accueillir dans nos vies ? Auquel de ces deux esprits allons-nous obéir et lequel de ces deux esprits allons-nous suivre? Dans l'Épître aux Éphésiens, Paul déclare ceci, « Comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Quel est l'esprit que nous suivons? Quel est l'esprit avec lequel nous marchons, selon lequel nous marchons? Paul nous dit qu'après avoir commencé par l'esprit, nous pouvons finir par la chair. La chair, c'est justement cette réalité qui permet à l'esprit de l'adversaire d'agir, l'esprit de l'Antichrist de nous séduire. Et Paul nous montre ce qui nous permet d'échapper à cette séduction, l'amour de la vérité. Et la question qui nous est posée ce soir est celle-ci. Est-ce que nous aimons suffisamment la vérité? Comme le disait David dans le psaume, « je aime ta vérité, je choisis la vérité et je hais toute voie de mensonge. » La vérité, c'est quelquefois quelque chose qui coûte cher. Choisir la vérité, c'est parfois quelque chose qui va exiger l'engagement de tout notre être, le renoncement à notre bien-être, à notre confort, à notre réussite sociale ou autre dans ce monde. Mais est-ce que nous aimons assez la vérité pour écouter l'esprit de vérité, pour être conduit par l'esprit de vérité et délaisser la voie du mensonge? C'est seulement par cet esprit de vérité que nous pourrons déjouer les ruses du malin, les ruses de cet esprit de l'Antichrist qui provoque l'apostasie du plus grand nombre. Et Jésus disait, c'est la raison pour laquelle celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Priez donc, éveillez en tout temps, pour avoir la force d'échapper à ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra. Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com